Aussi sûr que je t'ai aimé, aussi fort qu'on puisse s'engager, si loin soit la distance qui me sépare de toi, je viendrai te retrouver, traverserai l'océan, je le promets, si loin soit la distance qui me sépare de toi. Et puis je gommerai les ratures, effacerai ces mots si durs que j'ai pu prononcer parfois sans réfléchir. Je t'aimerai sans demi-mesure, car loin de toi la vie rue. On se rend compte de ce qu'on a fait quand on le perd, laisse-moi te dire.